Cette émission est présentée en rediffusion. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez La dernière porte à gauche. Ah, bonjour et bienvenue à La Dernière Porte à Gauche, émission qui vous présente à chaque semaine une heure de musique entièrement francophone. Et aujourd'hui, ce qu'il y a au programme à l'émission, bien, il va y avoir, entre autres, du Lac Estion. Parmi les choses qui sont un peu plus récentes, un peu, disons, nouveautés, il va y avoir du Lac Estion. Il va y avoir aussi du Moby Dick qui est passé assez fou cette semaine. Il va y avoir aussi, peut-être, je sais pas si je vais oser, là, je suis encore en hésitation, peut-être une pièce de Dédé Traqué parce que cette semaine, Yann Perrault était de passage ici à station pour une entrevue. Et puis, il a parlé que Dédé Traqué avait participé à son album. Ça m'a vraiment intrigué. Donc, je suis allé sortir ce vieil album de Dédé Traqué. Puis, je sais pas encore si je vais oser en passer, mais peut-être que je vais me laisser aller à passer une petite pièce de Dédé. Mais, pour l'instant, pour commencer l'émission, faut qu'on se parle de deuil et de choses tristes parce que cette semaine, c'est une semaine de grand deuil. En fait, on a assisté à la dernière émission de Respect les Dauphins. Mais bon, ça, est-ce que ça va vraiment manquer à quelqu'un? Pas sûr, mais un autre événement super triste qui s'est passé cette semaine, ben en fait aujourd'hui même, on a appris que le groupe André, qui a joué beaucoup ici, qui joue encore beaucoup récemment, il y avait une pièce d'André dans les palmarès, ben le groupe André n'existe plus, le groupe s'est éteint cette semaine, donc c'est vraiment très triste. Et puis, pour commencer l'émission, ben, je vais faire un bloc entièrement consacré au groupe André avec des pièces provenant de chacun de leurs albums. Le dernier qui passe couramment ici, c'est fou, qui s'appelle Le thé et la justice. Aussi, l'autre d'avant, les derniers modèles de la mode masculine. Mais pour commencer, on va écouter la pièce titre, en fait, de leur premier EP qui s'appelait Dans le sous-sol de Carlos. On écoute ça tout de suite à La Dernière Porte à Gauche. We'll be right back. comme un nerveux systématique pour le meilleur Maurice Richard. De l'allégorie Richard, la tasse de thé glacé. Que je pense, que tu penses, que je pense, que je pense, que tu penses, que je pense qu'on a tous les deux écouté trop de Linda Lemay. J'ai longtemps vendu la peau de l'ours avant de voir couler le cousque dans la pourvoirie de mes pas. La femme du pilote s'est envolée. s'intéresse aux derniers modèles de la mode masculine. Alors voilà, c'était un petit bloc hommage posthume au groupe André qui nous ont quand même offert 9 années formidables de musique ici sur la scène francophone au Québec. Quand même qui ont un groupe qui ont fait un indie rock comme il n'y a pas énormément. C'est un son quand même assez typique du indie rock en général, mais des groupes francophones là, qui faisaient ce son-là, il y en avait pas tant quand même, mais je trouve ça quand même pas si surprenant que ça parce que je me doutais un peu qu'il y avait quelque chose de louche avec André. Ça faisait plusieurs fois même que j'en parlais ici. Je trouvais que se passait pas grand-chose du côté d'André. C'était un peu le désert du côté de leur calendrier de spectacle, là, du moins, hein, parce que l'album est sorti il y a plusieurs mois. Il n'y a pas eu de tournée, vraiment. Je trouvais ça louche un peu, mais bon, en fait, je m'attendais pas que ça aille aussi loin que la fin d'André. Mais bon, quand même, on a entendu un bon échantillonnage de tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière avec les pièces Dans le sous-sol de Carlos, extrait de l'album du même nom. La deuxième pièce qu'on avait entendue, c'était Aérobie, un exercice. Ça venait de Les derniers modèles de la mode masculine. Et la pièce qu'on vient juste d'entendre, c'était Xanax, extrait de l'album Le thé et la justice. Et puis c'est sûr que vous allez continuer à en entendre amplement du André ici à C'est fou. Puis aussi, je suis persuadé que on va probablement entendre parler peut-être un jour d'un autre projet ou je sais pas. J'ai de la misère à croire que ces gars-là qui ont autant de talent vont arrêter du jour au lendemain comme ça de faire de la musique, qu'ils feront plus jamais rien et qu'on n'entendra plus jamais parler. Là, c'est sûr que non. Donc, ça sera à surveiller pour André, mais pour l'instant, faites votre deuil, passez au travers les 5 étapes du deuil. Là. Le premier, c'est le déni, je pense, ou la colère, je sais plus trop. Donc, ouais, je suis dans ce coin-là. Là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en musique avec le groupe La Question. Qui est un album qu'on a reçu la semaine dernière ici à la station. C'est vraiment un groupe jeune, hein. Ils se sont formés à la fin de 2008 et là on est au début de 2009, donc c'est vraiment pas long. Ils ont quand même fait un album complet qui est quand même bien enregistré, bien ficelé. Il y a une dizaine de pièces là-dessus et c'est ce groupe-là, La Question, en fait, c'est le groupe du guitariste du Roi Poisson, P.A. En fait, P.A. Le Gredin, est-ce que c'est ça son nom? Hein? Je pense que oui. Non, en tout cas, je vous dirai son nom tantôt, c'est son surnom, ça, mais bon. Donc, c'est le guitariste du Roi Poisson qui a fondé son propre groupe, qui utilise aussi, je crois, d'autres musiciens du Roi Poisson. En tout cas, j'aime bien ce que ça donne, La Question. C'est un rock quand même assez sobre, mais efficace tout de même. C'est ce que je dirais du son de La Question. On va écouter la pièce « Et moi » tout de suite. Et puis, dans le même bloc, ben pourquoi pas écouter un peu de Roi Poisson tant qu'à faire concept. Donc, on commence avec « Et moi » de La Question. Drain sur le bord de les situations. Je me retrouve pogné comme un con à me poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'âme? Je pars en voyage pour m'évader. Je m'en vais dans le sud pour réchauffer aussitôt. Revenu, je me sens toujours comme un con. Plastique, je vais me faire poser un nouveau nez. Aussitôt l'opération terminée, je me sens toujours comme un con. Ramène-moi dans ton pays, le mien ne veut pas exister. Change-moi en moine, change-moi en imam. De toute façon, je n'ai pas d'identité. Poisson avec la pièce Le Con, c'est la position numéro 1 du palmarès francophone cette semaine. Et juste avant ça, on avait entendu La Question avec la pièce Et moi, et c'est vraiment très bon. Et c'est un projet parallèle. Ouais, beau, belle traduction de Side Project, j'aime ça. Un projet parallèle du Roi Poisson, finalement, c'est PA, le guitariste du Roi Poisson, qui est parti son propre groupe La Question, et c'est vraiment très bon. Maintenant, on va faire une pause, mais restez là parce que de l'autre côté, il va avoir entre autres Duval Salva et aussi la nouvelle pièce de Trois Gars sur le Sofa. Un ballon qui vole dans le désert, un fantôme qui hante personne, un météore sans rien sur sa trajectoire, un monstre marin encore inconnu dans un lac non répertorié. Cadeau de Noël oublié dans le garde-robe, la

Ouais, c'était Val Salva qu'on vient d'entendre avec la pièce Beau gazon. Quand arrive le printemps comme ça, Val Salva ressort de leur hibernation, je sais pas trop, mais bon, ça vient avec le soleil. Ce Val Salva, ça égale le soleil qui arrive. Et justement, spectacle aussi, spectacle de Val Salva, c'est jeudi prochain, ici même à la Chasse-Galerie. C'est à 22h, je crois. En tout cas, c'est jeudi le 22-23 avril, là, dans ce coin-là, jeudi prochain, bon. Et ce qu'il faut retenir, bref, c'est que c'est à la Chasse-Galerie et que ça coûte gratuit pour aller voir Val Salva. Voilà. Donc maintenant, on va aller entendre Chinatown avec le premier extrait, en fait, le futur extrait de leur premier extrait de leur futur album, disons, qui va s'appeler Les Cités d'Or, qui va sortir le 5 mai prochain, mais qui est déjà en vente, en pré-vente, en fait, sur le www.boutiquetaka.com. Et donc, on va écouter la pièce qui est dans les palmarès ici, qui joue beaucoup, qu'on aime beaucoup, ça s'appelle Apprendre à danser de Chinatown. On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Chapeau sur le plancher de danse, la musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris pendant que tu gueules, pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser, faudrait t'apprendre à danser, faudrait t'apprendre à danser. Apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable beau vert. Garderie pervers. Ce meat market gardé par des mercenaires. Il fait plus chaud ici que l'été dans le métro. Et je reste songeur pendant que tu sautes. Faudrait t'apprendre à danser. T'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait sur son caddie dans les grandes surfaces. Je trace sans bruit en prenant des céréales avec un joli bol recouvert d'arbres imprimés sans cime et sans sol. Au plus profond de cette forêt tronquée, une mare de café. La caisse abreuve, des caissières au visage pâle, certaines brossant et brassant des poignées d'argent sale, le tout éclairé par des guirlandes de néon. Les caissières m'attirent en tripotant leurs boutons. Si des pulsions de consommation deviennent trop dangereuses, des gorilles sont là pour mordre les mains baladeuses. C'est alors qu'elles font voler tout droit dans ma direction, un avion SOS plié dans un bond de réduction. Mais d'une seule voix sucrée, murmure mon nom. Moby Dick qu'on vient d'entendre, un artiste de la France que vous êtes pas, vous êtes sûrement pas habitué d'entendre, mais peut-être que vous avez entendu une entrevue avec Moby Dick sur les ondes de C'est fou ici. C'était hier dans l'émission Respecte les dauphins, dans la toute dernière émission de Respecte les dauphins, histoire de le souligner encore une fois, histoire de vous rappeler que vous êtes en deuil. Mais oui, c'est ça, c'était quand même un beau moment passé avec Moby Dick qui était de passage au Québec dans le cadre du festival Vue sur la relève. Ça se passait ce soir, en fait, son spectacle. J'espère que ça a bien été pour lui. J'espère que ça va lui permettre d'établir des bons contacts ici au Québec et qu'on va le revoir prochainement. En même temps, j'en profite pour vous dire que si jamais ça vous tente de réentendre toutes les entrevues réalisées dans les émissions ici, je vais vous dire soit Respecte les dauphins ou La dernière porte à gauche, mais à l'avenir, ce sera seulement La dernière porte à gauche, et vous pouvez réentendre les entrevues dans la section balado-diffusion du www.cfou.ca, et vous pouvez entendre toutes les émissions au complet en version intégrale en balado-diffusion sur le unechance.com. L'émission est presque terminée, donc on va se laisser avec une pièce du groupe Téléphérique. Peut-être plus qu'une pièce, ouais, c'est ça. On va écouter Téléphérique avec la pièce « À distance ». Et puis après ça, on devrait avoir le temps pour écouter du moins une partie d'une pièce de Dédé Traqué. Je vous en avais parlé au début d'émission dans l'introduction parce que Dédé Traqué a participé à l'album de Yann Perrault. Je trouvais ça un peu intriguant, je trouvais ça un peu bizarre. Donc je suis allé chercher un album de Dédé Traqué et puis c'est probablement ça qu'on va écouter pour terminer l'émission. Mais là, pour l'instant, on va écouter Téléphérique avec la pièce À distance. Je vais pas finir. Je vais pas finir. Je vais pas finir seul. J'essaye. Peut-être je comprends rien. Ou ça m'arrange de rester dans mon coin. Toujours une distance entre ce que je fais et ce que je pense. Voilà, c'était Téléphérique avec la pièce À distance. Et c'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant seulement les vendredis dans les palmarès de 5h à 17h ou sinon, ben vendredi 20h pour la dernière porte à gauche. Si vous écoutez l'émission en direct, je vous laisse avec les pertinents Lutins de l'enfer. Et aussi, à leur demande, je dois avouer, là, non, c'est pas vrai. Non, mais on va aller écouter une pièce de Dédé Traqué, étant donné qu'il reste un petit peu de temps, et puis que finalement, c'est ça. Il reste du temps. Puis je vous en avais parlé au début de l'émission. Donc, on va écouter la pièce Warzazat de Dédé Traqué. Puis là, je vous avertis, c'est un peu étrange, hein, du Dédé Traqué. C'est musique du monde quand même, là. C'est pas si pire. Je trouve que c'est pas si pire, là. Mais c'est plus dans le détail, là, dans le contenu. Ça roche un peu Dédé. Mais quand même, je trouve ça pertinent de faire jouer la pièce Warzazat. Je sais pas par contre que ça veut dire. J'avais l'impression que c'était une variété d'olives, mais je suis vraiment pas persuadé. Donc, on va juste l'écouter, tout simplement. Une partie, du moins. Et puis, les lutins de l'enfer s'en viennent. Ce sera pas trop long, je vous promets. La route de Warzazat, qu'on nous a fait manger des dattes. Et dans les rues de Marrakech, on se poursuivait entre les calèches. Organiser un grand délire sur la belle plage d'Agadir. Agadir a bien ce qu'on voudra. On vient de buy somewhere. Pour le soleil qui se couche en dégustant notre couscous. Et sous les ailes de Herchichon, à la belle étoile nous dormons. Le temps de dire amen, on est rendu à Chefchaouen. Dans les hautes montagnes du Rif, impensable de parfum et de kiff. C'est comme si tu refusais